Salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de J.J. McDonald. Le 5 juin 2011, elle sort pour faire des courses avec 3 autres personnes à Minnesota, aux States. J.J. est une trans noire. Les autres personnes aussi sont noires. Il y a beaucoup de monde dans la rue. Il est vers minuit. Sur le trajet pour aller vers le magasin, il y a un bar. Quand J.J. et les autres personnes se font insulter par 4 autres personnes blanches en passant devant le bar, les insultes sont exclusivement racistes et transphobes. Les autres ne savent pas trop quoi faire. Un peu surprise, car c'est la première fois qu'une telle situation leur arrive. Mais J.J. leur fait face. Et elle se prend une bouteille en plein visage. Elle commence à pisser le sang. Puis, lorsque la fille qui lui a jeté la bouteille commence à vouloir l'attraper, une bagarre éclate. Au bout d'un moment, tout le monde se disperse, sauf J.J. qui n'a pas vu que tout le monde partait. Elle se retrouve face à un mec du groupe qui l'insultait. 1m80, 90 kg. Il commence à l'attraper violemment. Par réflexe, sans trop y réfléchir, elle sort une paire de ciseaux de son sac à main. Malgré elle, le gars se prend des coups de ciseaux dans le bide et décède. Un flic arrive immédiatement et sans savoir ce qui s'est passé, interpelle J.J. complètement ahuri. Après s'être fait recoudre sa blessure au visage, elle est directement mise en garde à vue. Elle plaide la légitime défense, mais les flics et l'État n'entendent pas de cette oreille. Les flics se basent principalement sur des témoins du bar. De fait, c'est comme si une personne trans, noire, n'aurait pas le droit à se défendre par elle-même. Aux yeux de l'État, c'est forcément un acte délibéré. J.J. est emprisonné dans une prison pour mecs et, pour sa protection, elle passe les premiers mois en isolement. Paye ta protection. Quand on sait que l'isolement fait que la personne se sent seule et déprimée, sans solution. L'agresseur décédé était déjà connu de la justice pour des faits de violence et avait une croix gammée tatouée sur le torse. Mais la justice raciste n'en a pas tenu compte. Elle condamne J.J. à 23 ans pour assassinat. Direct, un comité de soutien se crée, d'abord local. Le comité aura ensuite un impact dans toutes les States, puis international. Laverne Cox, actrice trans afro-américaine, qui a notamment joué dans Orange is the New Black, la soutient aussi. La pression du comité de soutien sur la justice fait que la justice sera contrainte de minimiser la peine en homicide involontaire au second degré. Une preuve de plus que seule la solidarité paye. J.J. accepte et sera finalement libéré le 13 janvier 2014. Personnellement, je n'avais jamais entendu cette histoire. C'est en lisant Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, qui est en hommage à J.J., que je l'ai appris. Il y a un film, Free J.J., qui retrace cette histoire et qui suit J.J. à sa sortie de prison, la réappropriation de sa vie, les retrouvailles avec sa mère qu'elle a quittée à l'âge de 14 ans. Ça permet de se rendre compte de ce qu'une trans noire peut vivre au quotidien. En ces temps de confinement, je vous invite à voir ce film